بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحاول إن شاء الله تعالى اليوم أن نختم هذه الأسباب العشرة المانعة من تطبيق العلم المانعة من العمل بالعلم. On va essayer aujourd'hui, inshallah ta'ala, de clôturer ces 10 causes qu'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah, les 10 causes qui empêchent d'œuvrer avec la science. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, السبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصصه وقربه منه وهذا القدر منع كثيرا من اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها ويقصد مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معادات الحق وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم. الله أكبر. La neuvième cause est le fait qu'une personne va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une première personne, afin de bien comprendre et afin de m'assurer que tout le monde comprenne, on va placer des noms comme exemple. Une première personne qui s'appelle Zayd va suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam et accepter sa religion. Une autre personne qui la déteste, qui s'appelle Omar, déteste Zayd. Cette personne déteste Zayd. Et en fait, Zayd va précéder cette personne dans le fait de suivre l'islam, dans le fait de rentrer dans la religion musulmane et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même être proche de lui. Et donc cela, cette animosité, a empêché à beaucoup de suivre la vérité, de suivre la guidée. Le fait que l'individu est un ennemi qu'il déteste. Il déteste même l'endroit où se trouve cet ennemi. Il n'arrive même pas à aller à un endroit dans lequel il y a cette personne. Je ne veux pas être dans la même ville que lui. Je ne peux pas me trouver dans la même rue que lui. Tellement il y a de l'animosité entre eux. Il va donc tout faire pour faire le contraire de ce que ce premier a fait. Et lorsque ce premier a suivi l'islam avant lui, cette animosité qu'il y a entre eux et ce désir d'opposition va pousser le second à avoir de la haine pour la vérité et pour les adeptes de la vérité, même si à la base, il n'y avait pas d'animosité entre eux. Allahu Akbar. Subhanallah. Parfois des gens, pour un conflit qu'il y a eu entre eux auparavant, un sujet mondain, si un vient avec la vérité, l'autre ne va pas le suivre. Il ne va pas le suivre à cause d'un sujet mondain, à cause de l'animosité qu'il y a entre eux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il va le mépriser. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كانوا خيرا ما سبقونا إليه. Et ceux qui ont mécru ont dit de ceux qui ont cru, s'il y avait un bien en cela, ils ne nous auraient pas précédés en le faisant. Parce que cette animosité va pousser l'individu à croire qu'il est meilleur que l'autre. Donc lorsque l'autre est rentré en islam, ou lorsque l'autre a suivi la vérité, il va se dire, de toute façon, vu que je suis meilleur que lui, eh bien forcément il a fait un mauvais choix de rentrer en islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il nous dit, Nulkayim rahimahullah, wa hadha kama jara lil yahudi ma'a al ansar. فإنهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه. Et donc, il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et c'est ce qui s'est passé avec, entre les Juifs et les Ansar. Avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une forte animosité entre les Juifs et les Ansar à Médine. Et les Juifs, ils avaient promis aux Ansar qu'il y avait un prophète qui allait bientôt arriver, qu'ils allaient suivre ce prophète et qu'ils allaient combattre les Ansar avec ce prophète. فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est effectivement venu, comme l'avaient annoncé les Juifs, et que les Ansar les ont précédés dans le fait d'avoir suivi le prophète, alors cette animosité qu'il y avait entre les Ansar et les Juifs a poussé les Juifs à rester dans l'incroyance dans laquelle ils étaient. Allah qui nous dit dans son livre, وَلَمَّ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Et lorsque leur est venu un livre venant d'Allah qui confirme ce qui est avec eux, qui confirme le livre qu'ils ont, et qu'auparavant ils promettaient à ceux qui avaient mécru qu'ils allaient les combattre avec le prophète. Mais lorsque ce qu'ils savaient est arrivé, ce qu'ils connaissaient est arrivé, donc le prophète et ce livre, ils ont mécru en cela. Ils ont mécru en cela. Les savants, ils ont cité deux raisons ici dans cette histoire. La jalousie, premièrement, le fait d'avoir jalousé, d'avoir donc ressenti de la jalousie envers les Arabes, parce que ce prophète, on ne s'attendait pas à ce qu'il vienne des Arabes. Et deuxième raison, l'animosité qu'il y avait avec les Ansar. Et donc parfois, des gens vont être en conflit, et ce conflit va être la cause que certains vont refuser de suivre la vérité sous prétexte que ce sont leurs opposants ou leurs ennemis qui ont suivi la vérité. Mais ils ne vont pas chercher à se corriger, à suivre la vérité et à se réconcilier avec leurs ennemis. Cela pour vous montrer le grand danger qu'il y a dans la division, le grand danger qu'il y a dans l'animosité, et que celle-ci empêche à la personne de suivre la vérité. As-sababu al-ashir, la dixième raison. Mani'ul ilfi wal-adati wal-mansha. فَإِنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَقْوَى حَتَّى تَغْلَبَ حُكْمَ الطَّبِيعَةِ وَلِهَذَا قِيلَ هِيَ طَبِيعَةٌ ثَانِيَةٌ. Certes, la dixième raison, l'habitude, le fait d'avoir grandi et d'avoir évolué sur quelque chose, cette habitude et cette évolution va parfois être tellement forte qu'elle va avoir le dessus sur le naturel. À tel point qu'on va l'appeler le deuxième naturel, la deuxième situation naturelle. Allah tabaraka wa ta'ala a créé une personne et a fait que cette personne, cet individu qu'on va appeler Zayd, il est gaucher. Il mange de la main gauche. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a déterminé que cette personne soit gaucher. Mais les parents de cette personne vont éduquer cette personne à manger avec la main droite. Cette habitude va être tellement forte avec le temps qu'elle va s'opposer, qu'elle va avoir le dessus sur la situation naturelle de la personne. Et les deux cas font partie du décret d'Allah, attention. Les deux cas font partie du décret d'Allah. Allah a décrété que la personne, au tout début, elle était plus habituée avec la main gauche, et qu'ensuite, avec le temps et l'éducation, eh bien, et l'évolution de cette personne a pris l'habitude de manger avec la main droite, à tel point que c'est devenu naturel pour elle, et qu'aujourd'hui, manger avec la main gauche, pour elle, c'est devenu gênant. Elle n'arrive pas. Elle est plus à l'aise pour manger avec la main droite qu'avec la main gauche. L'habitude. Le fait de grandir sur quelque chose. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, فَيُرَبَّ الرَّجُلُ عَلَى الْمَقَالَةِ وَيَنْشَأُ عَلَيْهَا صَغِيرًا فَيَتَرَبَّى قَلْبُهُ وَنَفْسُهُ عَلَيْهَا كَمَا يَتَرَبَّى لَحْمُهُ وَعَظْمُهُ عَلَى الْغَذَاءِ الْمُعْتَادِ وَلَا يَعْقِلُ نَفْسَهُ إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعصر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب مع نعم وإن كان أضعف الأسباب معنا فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل. Et donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, l'individu va être éduqué sur une parole, une croyance. Il va grandir avec celle-ci depuis son enfance. Son cœur va être éduqué sur cette parole, sur cette croyance. Son esprit ne résonne que par cette parole et cette croyance de la même manière que sa chair et ses os sont habitués à tel repas. Hein? T'as grandi au Maroc. Hein? T'as grandi au Maroc. Avec... Bon, faut pas vous moquer de moi sur la prononciation, khair, inshallah. Je pense que ça s'appelle fissa, hein, quelque chose comme ça. Yacine va me corriger si je prononce mal, inshallah. Et donc, tu as grandi avec ce repas. Ensuite, tu voyages. Tu voyages et on te fait goûter autre chose. Cette autre chose, elle peut être bonne. Mais tu n'es pas habitué à cette autre chose. Toi, tu as grandi avec le fissa, le tagine, si, ça, ça. Et là, on te ramène autre chose. Ça peut être bon, mais tu n'es pas habitué à ça. Ton corps n'a pas été habitué à ce repas. Et donc, ce repas peut te repousser. Juste par le fait que tu n'as pas été habitué à cette nourriture-là. Et donc, pareillement pour la croyance. La personne a grandi sur une croyance. Depuis qu'elle est petite, on lui dit « Jésus est notre sauveur ». On lui dit « Jésus s'est crucifié pour l'humanité, c'est lui le Fils de Dieu », etc., etc. Il a grandi dessus. Il n'a vu que ça en Martinique. Ensuite, il arrive en France. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Abdallah qui vient le voir, qui lui dit, mais tu sais que nous, on croit en Jésus, mais on ne dit pas que c'est le Fils de Dieu. On dit pas, on dit que c'est un pro. Il va te dire, mais c'est quoi ça? C'est parce que j'ai appris. Je me rappelle lorsqu'un frère est venu me prêcher, il m'a montré des preuves, il m'a montré des arguments. Subhanallah, quelle réponse je lui ai donnée? Je lui ai dit, écoute-moi bien. Depuis que je suis tout petit, ma mère m'a toujours dit que je dois suivre Jésus. Et donc, je vais le suivre. Voilà ma réponse. La réponse que j'ai donnée au frère. Quand j'étais chrétien et que le frère est venu me prêcher pour m'amener à l'islam. C'est exactement cette ambiguïté-là. Tu es né sur quelque chose, on t'a éduqué sur quelque chose du moins. Tu es habitué à cette chose et tu ne veux pas changer. Parce qu'il est difficile de passer à une autre étape. La science vient à toi d'un coup. Lorsqu'il est venu me dire ça, le frère, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Attends, tu veux dire que je suis un égaré? Tu veux dire que je suis un polythéiste? Il m'a dit, oui, tu es un polythéiste. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. On m'a toujours dit de suivre Jésus. Alhamdoulilah, le frère, il avait la réponse. Allah Azzawajal, il a fait que le frère, il avait la réponse. Il m'a dit, oui, effectivement, ta mère, elle avait raison. Ta mère, elle avait raison quand elle t'a dit de suivre Jésus. Il fallait suivre Jésus si tu veux aller au paradis. Mais crois-moi que là, tu ne suis pas Jésus, là. Quand tu adores Jésus, quand tu dis que Jésus c'est le Fils de Dieu, etc., tu ne suis pas Jésus. Jésus ne t'a pas dit de faire ça. Et c'est là qu'il m'a répondu et qu'il m'a montré. Et c'est là qu'il a enlevé cette ambiguïté. Walhamdulillah. Jazahullahu khayran. Jazahullahu khayr al-jaza. Et donc, on continue, inshallah ta'ala, la parole d'Ibn al-Qayyim, qui nous dit qu'il est difficile à la personne, justement, d'accepter une nouvelle croyance ou une nouvelle parole à cause de cette habitude et de cette évolution et de l'éducation qu'elle a eue depuis son enfance. Et cette cause, même si c'est la plus faible cause dans le sens, il faut savoir que c'est la cause la plus répandue. Il faut savoir que c'est la cause la plus répandue dans toutes les croyances, dans toutes les voies, les manahij. Une personne a grandi dans tel pays. Le mouvement qui est propagé chez lui, c'est tel mouvement. Il a grandi là-dessus. Aujourd'hui, va lui expliquer. Combien de frères je connais ici qui ont grandi en Palestine? Qui ont grandi en Palestine avec le Hamas, qui ont porté allégeance aux Ikhwan al-Muslimin, etc. Aujourd'hui, tu essaies de lui expliquer que les Ikhwan al-Muslimin sont une secte déviante. Il n'arrive pas à comprendre cela. Il a grandi sur quelque chose. Il a grandi sur quelque chose. Et donc il n'arrive pas à délaisser son ancienne croyance. Ainsi de suite. Dans chaque pays, dans chaque zone du monde, on va trouver des gens qui sont habitués sur quelque chose, sur une religion, sur une pratique, sur une croyance, sur un groupe. Et cette habitude, elle est difficile à enlever. Elle est difficile à enlever. Il continue, Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Il nous dit, la plupart, pour ne pas dire tous ceux qui ont grandi et qui ont été éduqués sur une façon, il est rare il est rare qu'ils arrivent à délaisser cette éducation qu'ils ont eue depuis leur enfance. Ils ne connaissent que celle-ci. Ils ne maîtrisent que celle-ci. Et donc la religion des habitudes, la religion des cultures, c'est pour ça que les gens ils mélangent la culture et la religion. Les gens mélangent la culture et la religion. Et c'est pour ça qu'elle est très belle cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Dis-nous, el-awaïd. La religion des cultures et des habitudes. El-adat. Et donc les gens, ils ont des cultures, des habitudes avec lesquelles ils ont grandi. Ils n'arrivent pas à les enlever. Ils n'arrivent pas. Ils ont grandi dans un pays où on leur dit Zakat el-Fitr, c'est en argent. Tout le pays donnait Zakat el-Fitr en argent. Il arrive en France, à Villerue, on lui dit Zakat el-Fitr, c'est en nourriture. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Depuis que je suis tout petit, tout mon pays, on a tous donné Zakat el-Fitr en argent, et maintenant toi là, tu vas me dire que c'est Zakat el-Fitr en nourriture? Arrête tes bêtises, arrête. Dînou l'awaïd, la religion basée sur la culture et les habitudes. Et donc cette religion, elle est difficile à enlever. De la même manière qu'il est difficile de faire partir une habitude sur laquelle on a grandi. De la même manière qu'il est difficile de faire partir le naturel d'une personne pour arriver à un second naturel. Le naturel d'une personne, ça veut dire quelque chose que la personne a l'habitude de faire. Une personne mange avec sa main gauche. Elle a grandi là-dessus. Maintenant, on fait l'inverse. Elle a grandi là-dessus. C'est pas depuis tout petit. Là, elle a grandi en mangeant avec sa main gauche. Maintenant, elle a 40 ans, on lui dit, il faut que tu manges avec la main droite. C'est toute une habitude à reprendre. Parfois, il y aura des erreurs, etc. Une personne qui est habituée à manger de telle et telle manière, on lui dit non, vous ne pouvez plus manger ça, parce que c'est difficile pour votre santé. C'est dangereux pour votre santé. Vous devez manger autrement. La personne, elle sait très bien que sa manière de manger est dangereuse pour elle, elle ne va pas réussir à la délaisser sans difficulté. Parce qu'elle a l'habitude de manger comme ça. Et donc il continue, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il nous dit, « Fasalawatullahi wa salamuhu ala anbiya'ihi wa rusulihi khususan ala khatamihim wa afdalihim muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qui faghayyaru awaid al-umami al-batila wa naqaluhum ila al-iman hatta istahdathu bihi tabi'atan saniyatan kharaju biha an 'adatihim wa tabi'atihim al-fasida wa la ya'lamu mashaqqata hadha 'ala an-nufus illa wa la ya'lamu mashaqqata dhalika 'ala an-nufus illa man zawala نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et donc, qu'Allah couvre d'éloges et accorde le salut aux prophètes et aux messagers, particulièrement le dernier d'entre eux et le meilleur d'entre eux, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils ont changé les habitudes des communautés, les habitudes caduques des communautés. Les frères, quelles étaient les habitudes des Arabes avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète est venu, il a changé leurs habitudes, a changé leur culture, à tel point que des peuples, lorsqu'ils embrassent cette religion, ils suivent la vérité, ils changent leur vie. Des gens qui étaient habitués à la drogue, habitués aux boîtes de nuit, à la fornication, à l'alcool. Allah les guide vers l'islam et ils délaissent toute cette turpitude. Tout cela, certains vont leur dire, mais comment tu as fait pour délaisser l'alcool? Comment tu as fait pour arrêter la musique? On n'arrive pas, nous, à arrêter la musique. Allah l'a guidé. Le suivi des prophètes, le suivi des messagers permet à l'individu de délaisser une mauvaise éducation qu'il a eue. Et donc, qu'Allah comble d'éloges et accorde le salut à tous les prophètes ainsi, et notamment le dernier d'entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les efforts qu'ils ont accomplis pour changer les peuples, les faire délaisser leurs habitudes et leur culture caduque pour les amener vers la foi. À tel point que cela les a amenés à produire un deuxième naturel chez l'individu. Et c'est par cela qu'ils ont délaissé leurs mauvaises pratiques caduques. Et certes, ne connaît la difficulté de cela que celui qui a pu assister à une personne qui délaisse la religion du faux vers la religion de la vérité. Comme cela est difficile. Alors qu'Allah récompense les messagers par la meilleure récompense qu'il accorde à ses créatures. Ensuite, un peu après, il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم حتى لا يصير مؤثرا البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له هذا سر المسألة وفقهها. Et donc, concernant notre sujet, notre affaire, les causes qui empêchent d'appliquer la science, est-ce que ces causes qui sont présentes toutes chez l'individu, ou une cause qui va être présente chez l'individu, est-ce que la présence de cette cause va faire que la science de l'individu diminue à tel point qu'elle n'aura plus d'impact et donc la personne ne va pas appliquer la science? Ou alors la science de l'individu reste intacte, la science reste là. Mais la cause qui empêche la pratique de la science va être plus forte et va avoir le dessus sur l'individu. Tout cela est le secret et le point précieux de notre sujet. Si on comprend cela, on a compris le sujet. فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا شَكَّ فِيهِ وَلَكِنَ الشَّأْنِ في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب والقرآن قد دل على هذا. Et donc il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et donc il n'y a nul doute que le premier, donc, arrive la première situation, c'est-à-dire que lorsque la personne a la science, mais lorsqu'il y a des éléments, les causes qu'on a citées, qui sont présentes chez l'individu, une cause ou toutes les causes, ou plusieurs, eh bien, cette cause-là va raffaiblir la science de la personne. La personne a la science, mais il y a un élément qui affaiblit la science, et qui va faire que, eh bien, l'ambiguïté ou la faiblesse que la personne a va prendre le dessus. Il nous dit, mais toute la situation la plus surprenante, elle est dans le deuxième cas, où la science, elle reste intacte. La personne, elle a la science, elle a du ilm. Mais que malgré ce ilm que la personne a, Eh bien, la cause, elle est tellement forte que la science, toute la science de la personne ne peut pas faire face à cette cause qui empêche d'œuvrer avec la science. Et certes, cela a été cité dans le Coran. Lorsque Allah Azza wa Jal, il nous dit dans son livre, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Lorsque Moussa a dit à son peuple, oh mon peuple, pourquoi est-ce que vous me faites du tort alors que vous savez que je suis le messager d'Allah qui a été envoyé vers vous? Vous savez que je suis le messager d'Allah qui a été envoyé vers vous. Pourquoi vous me faites du tort? Alors lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Certes, Allah ne guide pas un peuple transgresseur. فَعَاقَبَهُمْ سُبْحَانَهُ بِإِزَارَةِ قُلُوبِهِمْ عَنِ الْحَقِّ لَمَّا زَارُوا عَنْهُ. Et donc lorsqu'ils ont dévié de la vérité, Allah les a châtiés par le fait de dévier. Et donc d'abord l'individu tombe dans la transgression, et cette transgression va être la cause que l'individu par la suite n'ait plus la force d'éviter la transgression. Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Et nous retournons leur cœur et leur raison de la même manière qu'ils n'y ont pas cru la première fois. Et nous les laissons dans leur transgression. Nous les laissons noyer dans leur transgression. Et donc, le péché que tu vas accomplir va être la cause que par la suite, tu ne suives pas la vérité. Va être la cause que par la suite, la science que tu as, tu ne l'appliques pas. Tu ne veux pas tomber dans tout ce qu'on a cité précédemment durant les cours précédents, le fait qu'il y a une cause qui t'empêche de pratiquer ta science. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? La solution, dès que tu connais quelque chose, applique-le. Et c'est comme ça que tu purifies ta science. Et c'est comme ça que tu te protèges du fait de tomber dans la déviance. Afin que cette science soit une preuve pour toi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et donc nous allons arrêter au cher frère, nous avons terminé au cher frère cette série de cours concernant les 10 causes qui empêchent à l'individu d'œuvrer avec sa science. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire que ces cours nous soient profitables afin qu'on puisse tous appliquer la science que nous connaissons, appliquer cette religion que nous connaissons et délaisser toute cause qui nous empêche de nous rapprocher de notre Seigneur. Et la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on va commencer une autre série de cours, toujours en nous basant encore sur quelques écrits d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.